Psaume 50. Psaume d'Asaph. Le Dieu fort, le Dieu, l'Éternel, a parlé, et il a appelé toute la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Dieu a fait luire sa splendeur de Sion, qui est d'une beauté parfaite. Notre Dieu viendra, il ne se taira point, il y aura devant lui un feu dévorant, et tout autour de lui une grosse tempête. Il appellera les cieux d'en haut, et la terre, pour juger son peuple, en disant, assemblez-moi mes bien-aimés qui ont traité alliance avec moi sur le sacrifice. Les cieux aussi annonceront sa justice, parce que Dieu est le juge, c'est là. Écoute, ô mon peuple, et je parlerai, entends, Israël, et je te sommerai. Je suis Dieu, ton Dieu, moi. Je ne te reprendrai point pour tes sacrifices, ni pour tes holocaustes qui ont été continuellement devant moi. Je ne prendrai point de veau de ta maison, ni de bouc de tes parcs. Car toute bête de la forêt est à moi, et les bêtes aussi qui paissent en mille montagnes. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et toutes sortes de bêtes des champs est à mon commandement. Si j'avais faim, je ne t'en dirais rien, car la terre habitable est à moi, et tout ce qui est en elle. Mangerai-je la chair des gros taureaux, et boirai-je le sang des boucs? Sacrifie louange à Dieu, et rends tes vœux au souverain. Et invoque-moi au jour de ta détresse, je t'en tirerai hors, et tu me glorifieras. Mais Dieu a dit aux méchants, qu'as-tu à faire de réciter mes statuts, et de prendre mon alliance en ta bouche? Vu que tu es la correction, et que tu as jeté mes paroles derrière toi, si tu vois un larron, tu cours avec lui, et ta portion est avec les adultères. Tu lâches ta bouche au mal, et par ta langue tu trames la fraude. Tu t'assieds et parles contre ton frère, et tu couvres d'opprobre le fils de ta mère. Tu as fait ces choses-là, et je m'en suis tu, et tu as estimé que véritablement je fusse comme toi, mais je t'en reprendrai, et je déduirai le tout par ordre en ta présence. Entendez cela maintenant, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous ravisse, et qu'il n'y ait personne qui vous délivre. Celui qui sacrifie la louange, me glorifiera, et à celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu.